le courrier d'Asuncion signala qu'il allait atterrir. Rivière, même au pireux heures, avait suivi de télégramme en télégramme sa marche heureuse. C'était pour lui, au milieu de ce désarroi, la revanche de sa foi, la preuve. Ce vol heureux annonçait, par ses télégrammes, mille autres vols aussi heureux. On n'a pas de cyclone toutes les nuits. Rivière pensait aussi, une fois la route tracée, on ne peut pas ne plus poursuivre. Le pilote, ayant atterri, retrouva le pilote du courrier d'Europe, adossé contre son avion, les mains dans les poches. « C'est toi qui continues ?»« Oui. »« La Patagonie est là ?»« On ne l'attend pas. Disparu. »« Il fait beau. Il fait très beau. Fabien est disparu ?» Ils en parlèrent peu. Une grande fraternité les dispensait des phrases. On transbordait dans l'avion d'Europe les sacs de transit d'Asuncion, et le pilote, toujours immobile, la tête renversée, la nuque contre la carlingue, regardait les étoiles. Il sentait naître en lui un pouvoir immense, et un plaisir puissant lui vint. « Chargé ?» fit une voix. « Alors, contact !»« Attention à la nuit, hein ?» Il n'entendit pas le conseil de son camarade. Les mains dans les poches, la tête renversée, face à des nuages, des montagnes, des fleuves et des mers, voici qu'il commençait un rire silencieux. Un faible rire, mais qui passait en lui comme une brise dans un arbre, et le faisait tout entier tressaillir. Un faible rire, mais bien plus fort que ces nuages, ces montagnes, ces fleuves et ces mers. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Cet imbécile de Rivière qui s'imagine que j'ai peur. »